ci rasa u bait ta falni di jaurai aureit mil carta pesta jau qui che puerin sui melu pupi ma daura tannar fal et ila bu ferhana flimkin daura dur daura durella daura dur daura durella la la daura dur daura durella daura durella la la halhit titta panil harsa tainei halhbib ynafsu ideya fideik ishrab grok miei habib abel tmur adanit bedu madinya lidu halin nifrahilum linhdeik handuru daura ideya fideik ishrab grok miei habib abel tmur adanit bedu madinya lidu daura dur daura durella daura dur daura durella la la daura dur daura durella daura dur daura